Is starting to record. Bienvenue à tous, nous sommes le 15 septembre 2022 et vous écoutez le 22e épisode de la route des jeux, la radio libre des canas sucristes. Et nous sommes rassemblés pour cette quatrième saison quand même, avec un casting de choix et pour une émission qui nous tient à cœur puisque nous avons le plaisir de vous présenter cette quatrième édition de la route des chansons nulles. Et pour ce faire, je suis entouré de la team expert chansons nulles, comme on l'appelle. Je vais commencer par accueillir Frédéric. Salut Frédéric. Salut Benjamin, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. À l'expectative de voir ce que vous nous avez préparé. Oui, bah vous n'allez pas être déçus. Parce que j'ai calculé, on n'a quand même pas eu d'émission. Depuis juin 2021. Ah oui. Juin 2021, ça fait tard. Alors, enfin, ça va attraper. Depuis juin 2021, on prépare l'émission hein, quand même. Et, il faut le dire. Et donc, vous l'avez entendu, bien sûr, pas d'émission chanson nulle sans Jérôme, le prince du bon goût. Salut Jérôme. Salut Ben. Ouais, on a bien travaillé, on a des textes puissants pour cette fois-ci, pour une fois j'ai travaillé. Ouais, la musique, du texte, tout sera là, et l'équipe est au complet, on a le plaisir d'avoir Alexandre. Bien sûr, et donc non, pas du tout travaillé, mais il y a un WhatsApp qui tourne sans discontinuer, donc on a de quoi dire. On a de quoi dire, ouais. Bah oui, de toute façon, il y a du matos, hein. C'est compliqué de faire des choix. Oui. Alors, on va commencer par Alexandre avec ses deux petits chefs-d'œuvre, mais je vais vous faire patienter un petit peu parce que quand même, il fallait que je vous parle un peu du podcast au début quand même. On est à la quatrième saison. L'an dernier, on a quand même enregistré 6 épisodes pour une année plutôt sympathique. J'ai été assez content de la qualité des épisodes, mais aucun épisode chanson nulle sur la saison 3. C'est vrai. Et ce qui n'est pas du tout normal. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu beaucoup de chansons nulles, mais pas d'émissions. Ouais. Pas d'enregistrement. On a réussi à se retrouver pour plein d'autres choses, sauf les chansons nulles, en fait. Ouais, mais cette année, on va essayer d'en faire. Donc une. Ça serait bien qu'on fasse une au début, une à la fin. Comme ça, pour un peu ponctuer l'année. On pourrait même imaginer une salle spéciale pendant la route du Rhum avec que des chansons nulles. Ouais, c'est vrai. Ça peut être... Ce qui nous permettrait d'avoir une... La navigation. Ce qui nous permettrait d'avoir une salle à disposition n'importe quand, avec personne dedans. Bon, il y aurait toujours les mêmes personnes qui seraient là, mais du coup... Ah bah, en fait, il y aurait que deux types de personnes, soit les gens qui ont du mauvais goût, enfin pardon, qui ont un goût particulier, oui. Soit les gens très alcoolisés. Mais ça va généralement ensemble. Oui. Alors aujourd'hui, quand même, un petit programme sympathique, hein, avec, donc, on a beaucoup de reprises françaises, j'ai regardé un peu le programme. Oui. Alexandre, je sais pas trop comment. Toi, on est dans la reprise. Ah, moi, c'est encore. Alors, j'avais déjà fait ça, mais là, j'en ai trouvé des très très belles. Ouais. Donc, c'est la reprise française nulle. Et tu me fais saturer le truc comme je d'habitude. Suis désolé. C'est parfait. Pas trop fort, le monsieur. Ensuite, nous aurons. Alors, droit... je précise quand même trois choses avant de commencer. Alors... La première chose, c'est que j'ai un retour quand même dégueulasse dans les oreilles. Oui. La mais deuxième chose, j'ai une moustache extraordinaire qui partira peut-être sur le groupe Facebook. Et peut-être qu'on mettra, peut-être qu'on l'utilisera pour l'icône de l'émission. Peut-être. Non, je suis en... Et donc ça amène finalement sa transition vers le dernier point. Je vais vous quitter en milieu d'émission. Je pars sur l'enterrement du garçon de mon beau-frère, ce qui explique la moustache. En guidon, en guidon de vélo. Voilà. En guidon de vélo, bien sûr. Voilà. À l'envers, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des noms à tous ces trucs, mais bon, on fera la route des moustaches nulles plus tard. Ensuite, il y aura droit à une petite interlude qui fera la moitié de l'émission, je pense, Jérôme, puisqu'on vous a concocté une sorte de comédie musicale, un shonen sportif, un shonen autour du monde impitoyable de la pétanque. Ça sera découvert. Ça, un retour n'a qu'à bien se tenir. Voilà, et je suis pas sûr que ça soit déjà fait. Peut-être Shonen Pétanque, ça doit exister, hein, mais parce que oh, ils sont capables. Ils sont capables. Ils sont capables. Mais voilà, donc ça, on vous offre ce petite pastille pépite de début de saison. Et ensuite, Frédéric, tu clôtureras avec de l'année 80. C'est ça. Deux petites chansons, un petit peu autour du thème de la drague. Voilà. Toutes les deux. Mais chacune dans son style. Alors Alexandre, c'est à toi. Qu'est-ce que tu veux nous faire entendre ? Alors, bah, normalement... Alors, on va faire un petit jeu. On va vous les mettre, et le but du jeu, c'est d'essayer de retrouver la version originale. D'accord, donc, mais c'est j'en deux vois. Dans ce truc-là. J'en alors, vois la 1, la 2. Je pense qu'on va faire la 2 d'abord. D'accord. Parce que la première, elle est vraiment scandaleuse. Donc on la fera vraiment après. La première, on est dans le... Pour moi, on est dans mon top moche de l'année. Hein. Alors attention, on envoie ta numéro 2 en premier, c'est logique, tout va bien. C'est parti. Fade in, fade out sont dans la chanson. Hein. C'est pas Benjamin qui mixe n'importe comment. Est-ce qu'ils ont repris la musique d'origine ? Juste ou est-ce non, qu'ils ont rejoué ? Non, je crois que c'est un truc midi dégueulasse. Non, c'est peut-être pas nécessaire, mais avec donc la version originale, enfin la vraie version. Tu veux dire que c'est une reprise ? C'est une reprise dégueulasse en français, comme on avait déjà présenté la dernière fois, mais sur la première qu'on a faite, je crois, sur la première route des chansons nues, la deuxième, et donc qui est la reprise de Relax de Frankie Goes to Hollywood. Donc avec un truc très connu, il fait « Relax, don't do it », etc., etc. Mais là, on a le droit à n'importe quoi, l'instru dessous qui est dégueulasse, qui en a la moitié, et fait cracher des tubes, quoi. Voilà, c'est moche. C'est moche, oui, c'est pas très beau, mais il y a le mérite d'essayer, tu vois. Si tu te dis comment ça se fait que tu t'es dit « je prends Relax, don't do it », et ça devient Emax, pas de panique. Il y a un peu de recherche. Alors merci. Le nom de film québécois, tu sais, où ils reprennent les titres anglais qui les traduisent. C'est un peu dans le même esprit, sauf que là, ils ont complètement changé les paroles. Quoi. Mais en fait, d'habitude, ils ont plutôt tendance à faire, tu sais, je prends un truc à la même consonance, mais ça n'a plus aucun rapport. Et là, ils ont fait l'inverse. C'est pas la même consonance, mais il y a la même idée. Mais du coup, ça marche encore moins bien. Et ça, c'est quand même un bon point, ça. Alors, c'est quelle année, ça ? C'est la même année que la sortie du... Alors, c'est une excellente question. 84, excellente année. Bah, alors, le Relax, Don't Do It, il est de... Il est de... Attendez. De mémoire. Hein. De mémoire, bien ouais. sûr. 83. Ouais. Ah, donc la reprise 84. Et la reprise 84. Il a mis un an pour écrire des paroles. C'est sorti sur Barclay. Hein. Ah bah oui, oui. Grosse... Bah, ah oui, on vous a pas dit, c'est vrai qu'on vous a pas dit, c'est que le nom du groupe, c'est quand même Sale Affaire. Sale Affaire. Je veux dire, ça veut tout dire, quand même. Sale Affaire. Oui, Sale Affaire. Sale Affaire. Est-ce que t'as une autre Sale Affaire à nous proposer? Je pense que, du coup, la première qui met dans la deuxième est plutôt une Sale Affaire. Tu veux l'introduire, on écoute bon. Ça se passe finalement de commentaires. Je pense qu'il faut écouter d'abord. Et c'était une chanteuse que ma maman aimait beaucoup et tout. Et c'est vrai que découvrir ce genre de c'est une chanteuse très connue. Hein. Ouais, très. Oui, elle a fait des belles chansons. Et ouais, elle a fait ça. Peut-être pas non plus, mais. Bah, elle a gagné l'Eurovision quand même. Ouais. Alors est-ce que bon. Non, après... je crois pas. Hein. Mais c'est pas elle, l'enfant et l'oiseau. Non, ça c'est Marie-Myriam. Ah, je confonds les deux. Bon, c'est une autre Marie que nous entendons maintenant. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les temps. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais laquelle aura le plus peur de nous deux. Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Un bon conseil prend garde. Marie colère adore les éclats de voix. Alors choisis entre les autres filles et moi. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Souvenir déjà. Ah, finalement, c'est peut-être la meilleure partie de ça. Elle est la chef. J'ai les oreilles qui saignent. Non, sur cette autre chanson, le pire, c'est qu'elle chante pas trop mal. Hein. Ah, mais celle-là. En fait, il reste 15 secondes. Bon, donc pareil, hein, donc Peyton Black, 1966, et donc Marie Laforêt, Marie Douceur, Marie Colère, 1967. Alors, donc par on où... est dans l'opportunisme plus alors, absolu. Par où on commence? Bah, alors, on va être gentil déjà, et on va dire, il y a un plagiat avéré sur l'instru. Alors, est-ce et du coup, c'est bien. Est-ce que c'est réenregistré, tu penses, ou est-ce que c'est... Ah. Je crois pas, hein. je crois que c'est la même orchestration. Hein. Et ils ont repris directement. Ah, tu penses qu'ils ont pris l'instru direct, comme des clodos? J'ai l'impression que c'est vraiment la même instru, parce que si tu écoutes celle des Stones, c'est pratiquement la même chose. Oh ouais, non, mais je suis d'accord, mais tu vois, ils auraient pu au moins se taper d'avoir un groupe de rock qui leur fait l'instru, quoi. Des effets de voix... de prononciation. Bah, elle a essayé de refaire l'effet de Peyton Black, sauf que ouais. Ça marche pas. En fait, ça marche pas sur les deux trucs. C'est-à-dire que la partie géniarde ne marche pas. Ouais. Et quand c'était censé être vraiment sur la partie plus hard rock, et bah, du coup, là, c'est une catastrophe. Je trouve que la voix, elle va pas du tout avec le thème musical. Ça fait un peu Mireille Mathieu qui chante du rock, tu vois. Mireille Mathieu reprend ACDC. Bah, en même temps, non, mais en même temps, c'est ça. C'est que Marie Laforêt, c'est quand même plutôt, entre guillemets, mélodique. Donc, ça se colle pas du tout ni au truc génial du début. Ni au truc un peu plus péchu après, donc en fait ça colle pas du tout quoi. Jérôme ? Oui, non, c'est vrai, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Moi j'ai les paroles de 2 secondes. Moi j'ai une anecdote, c'est que je l'ai fait écouter à ma fille notamment qui aimait bien l'original, et au bout de 15-20 secondes elle me dit tu vas arrêter ton truc. Plutôt en colère quoi. Ça suffit, bah, c'est Marie Colère. Ah oui, c'est Marie Colère. Et ensuite, ce qui me fait c'est un truc qui me fait beaucoup d'effet, c'est que ça part très très bien, tu sais, il y a les quelques secondes d'instru où tu dis ah, trop bien. Et après ça démarre, la voix démarre, et ça fait exactement le même effet. Il y a une autre chanson qu'on va passer plus tard dans cette émission qui est aussi une reprise qui fait exactement le même effet, je trouve, où tu fais les premières notes, tu fais ah, puis en fait non. Fausse alerte. Bah, et puis là, autant dans le premier, bon, l'instru était d'une part, l'intro est pas particulière sur Relax. Et en plus de ça, tu sens que c'est vraiment le truc cheap, quoi. C'est-à-dire que t'as deux mecs avec un synthé, et puis c'est tout, quoi. Là, ils ont vraiment pompé tel quel. Et donc, t'as l'impression que c'est le bon truc, quoi. Et non. Voilà, tu dis, oh, je vais écouter le Stone Génial, et après, tu dis, oh, mais non. Oui, donc, alors, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, effectivement, Rolling Stones, Paint in Black, quand même, s'il vous plaît. Et si vous la connaissez pas, arrêtez tout de suite d'écouter cette émission. Arrêtez d'écouter cette émission et allez écouter Rolling Stones. J'avais beaucoup de raisons incessantes de faire des reprises des trucs anglo-saxons et tout ça. Il y a plein de trucs qui se faisaient comme ça. Mais jusque dans les années 80. C'était que ça quasiment. Ouais, jusqu'à assez loin. Mais là t'es vraiment scandalissime, quoi. Je veux dire, 65-66, c'est l'arnaque. Ouais, c'est qu'il y a un truc quasiment systématique, Jérôme. Ouais, non, c'est vrai, c'est les reprises à chaque fois. Ils changent juste les textes, ils gardent les mélodies, mais ils changent les textes avec plus ou moins de talent à chaque fois, quoi. C'était la mode, hein, dans les années 70, fin des années 60, années 70, même plus tard, dans les années 80, c'était vraiment la mode de reprendre des chansons des États-Unis qui avaient bien fonctionné. Et c'était souvent, les paroles étaient assez vite écrites, je pense. Ils n'avaient pas. C'est un bel euphémisme. Bien, je crois. Les James Tejnou de comment il s'appelle ? Ouais. Ouais, j'ai mangé le nom. James Tejnou pour Shemon You. Ah oui. Ça c'était bien. Henri Salvador, non ? Oui, c'est ça. Oui. Juste pour que ça colle au. Mais non, je trouve ça magnifique, tu vois. Oui. Bah ouais, mais t'as aussi le. C'est de la poésie. T'as aussi le Sunny de. Ah oui. C'était François Valéry ? Non, je sais plus. Richard Anthony. Des noms que vous n'entendez plus que dans des podcasts. Bah non, mais on l'a présenté déjà, Sonny, mais où c'était le scandale, où en gros, vu qu'il ne savait pas comment remettre Sonny, bah en fait, finalement, c'est le nom de quelqu'un. Ouais. Donc voilà, c'est la carotte. Sonny. Tu l'as tapé quelqu'un, Sonny. C'est classique. Puis, c'est gagné. Mais Marie Colère, Marie Douceur, alors si on s'arrête sur les paroles 2 minutes... Ça va. Enfin... Ça va, c'est à la hauteur de dégueulasse quand même. Ouais, je trouve que c'est à la hauteur de ce qu'on. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pires que ça à l'époque. Enfin, oui, bah ça l'affaire par exemple. Ouais. Mais c'est pas terrible. C'est une petite chanson sur quelqu'un qui est un peu bipolaire, non ? Oui, c'est ça, c'est Jekyll and Hyde. Ouais, et puis sur quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un d'un peu volage et qui se défend quoi aussi. Ouais, après, c'est pas. C'est bipolaire, mais bipolaire light, tu vois. C'est genre, attention. Je suis gentil, je vais parler fort. Je vais parler fort, c'est Marie Colère. Attention à la calotte. Oui, c'est ça. C'est un peu la maman qui est toujours douce avec ses gosses et qui, à un moment, elle essaye de faire une crise d'autorité. Ça marche pas du tout. C'est un peu ça. Bon, Jérôme, c'est... Et par rapport à la chanson des Stones, c'est ça... Aucun rapport. Aucun rapport. Ils n'ont pas du tout cherché... Aucun rapport, Jérôme. Je crois que les Stones étaient ravis, d'ailleurs, du... Oui, oui. Bon. Non, non, les paroles de Painted Black, c'est... C'est plutôt le mode emo, quoi. C'est en gros, je vois une porte rouge, j'ai envie de la peindre en noir. Je vois des gens avec, je vois des jeunes filles avec des robes colorées, j'ai envie de toutes les peindre en noir. Voilà, quoi. Ouais, c'est gothique, dépressif. Ça respire la joie de vivre, quoi. Jérôme, en parlant de joie de vivre, nous avons de texte bien écrit. Il faut qu'on s'y attelle, j'espère que tu l'as devant toi. Est-ce que tu es prêt? Ah. C'est le moment où je m'en vais. C'est le moment où. Alors, il est important. Je me fais happer. On va vous demander beaucoup de discipline, Frédéric et Alexandre. Non, mais du coup, il faut que je parte parce que j'aurais zéro discipline sinon. Bon, alors, on salue Alexandre. Merci pour ta merci présence. Tout le monde. Et puis, j'irai écouter. T'auras la joie d'avoir les trois quarts de l'émission en inédit. Bien alors, sûr. Quelle chance. Bien sûr. Salut Alexandre, à bientôt. Alexandre. Salut tout le monde. Salut. Alors Frédéric, tu es la seule à devoir être disciplinée. D'accord. Voilà. Et nous partons juste derrière. Hey José, ça fait 5 ans que tu es au club. Tu es un espoir pour la pétanque. Ta technique de tirage super spin n'a pas d'égal. Oui Bernard, mais c'est avant tout un travail d'équipe avant tout. Sans notre collectif, sans notre entraîneur Jean Surfing, jamais nous ne passions les qualifs de ce championnat du monde. Et sans la passion de notre ailier Clarisse, nous pouvions vaincre l'équipe de Sai Suzan. Il faut remettre le clocher au centre du village. Hein. Tu as raison José, remettons le facteur en selle. Au prochain tour, nous affrontons Marco Foyo et sa bande de pointeurs fous. Ces gars sont cinglés, ils vont tenter de nous faire tourner en bourrique. Si nous gagnons, ce serait beau comme un canon tout neuf. Pour que nous ne nous cassions pas la margoulette, il faut que nous réfléchissions à une tactique. Saurais-tu où se trouve actuellement notre entraîneur Jean Surfing? Oh, il est à la buvette, je l'entends le générique du début des compétitions qui commence à entonner la fanfare olympique. Vite, allons voir coach Surfing. On sait comment se défouler. José, nous voici en finale. Marco Foyot a vraiment un jeu chatoyant. Mais tu as encore su retourner la situation grâce à ton super spin. L'idée de Jean Saffing est excellente, de faire passer Clarisse en deuxième rotation, ça n'a pas fait un pli. Et nous voici en finale. Pourtant, je te sens fébrile, José. Tu parles, Charles. Nous n'avons aucune chance contre Marcel Bouillabaisse. Albert Siben et CSB. Ils sont vaincus depuis 3 ans et n'ont jamais perdu sur cette période. Alors là, j'en suis comme 2 rondes de flanc. Si tu affiches si peu de grinta, on n'est pas sorti de l'auberge. Reprends-toi, José, tu es notre leader. Tu dois y croire. Sais-tu qu'avec la force de l'amitié, de la volonté et de la foi, on peut devenir presque invincible? Si tu dis ce qui est vrai, il manque aujourd'hui cette colère dans le regard, hein, qui permet à tout un chacun de se soulever des montagnes. Et pas ta couffin. Allons, n'en fais pas tout un fromage. Allons voir Clarisse. Elle nous chantait souvent cette chanson de motivation aux jeunesses communistes. Je pense que tu as besoin d'entendre ce bel hymne à la victoire avant d'affronter Marcel. J'ai tous les courages et même la haine. Oh, dis donc. Oh, super, José. Cette musique est vraiment entraînante. Je suis tout requinqué. Je sens qu'on va les battre. On est des battants. Mais oui, Bernard, dis donc. Il est musclé, cet Albert. Il a mangé des yaourts. Ah bah oui, mais des tamames. À la bonne confiture de fruits. Il a rapporté le dessert. Non, mais en vrai, ça sert à quoi tous ces muscles? Les boules ne font qu'entre 650 et 800 grammes. C'est selon les normes de la fédération. Ah, c'est vrai. Mais tu n'es donc pas au courant? Non, voyons, je ne suis pas électricien, Bernard. Oh, mais il n'est pas question de cela. Albert Siben est un ancien champion de boxe belge. Il a même combattu contre Mohamed Ali en 1979. Celui qui ouvre les cavernes là, avec une formule magique. Oh, tu parles. 37 victoires, 12 défaites. Mais écoute plutôt ce que les meilleurs musiciens belges ont composé pour lui. Albert, car à la gauche d'Albert, c'est comme la foudre et le tonnerre. Quand il prend son élan, c'est comme un ouragan, il vous envoie dans l'atmosphère. Même s'il est très charmant, avec ses plus gros gants, d'un hypercute vous met par terre. Avant le chaud et froid, il a l'allure d'un bataillon. Faut voir comme il est fait, et dès qu'il apparaît, il ne vous fait pas de cadeau. Et c'est sans hésiter qu'il les met au plancher, les champions les plus costauds. Albert, Albert, Quel match! On les a éclatés! Effectivement, les muscles ne servent à rien face à la puissance de l'ambition et de l'amitié. Oui, Bernard, effectivement, l'équipe de Marcel Bouyaba s'est effondrée. Je suis triste pour eux quand même. C'est vrai qu'ils boivent le calice jusqu'à la lie. Surtout ce brave Albert. Le pauvre a encore perdu un combat en finale. Regarde-le. Il est effondré, comme en 82 et en 81, lors de sa défaite contre Lucien Rodriguez. Mais Bernard, on peut pas le laisser dans cet état. C'est quand même un chic type. Je pense qu'il peut rebondir. Il faut toujours tendre la main à la Providence. Ah, tu as raison, José. Allons le voir et lui entonner une chanson de l'espoir. Prends ta guitare électrique. Je crois que ton cousin Peter a une belle voix. Va le chercher dans le public. Je prends chez les micros et je fais les balances. Nous allons lui redonner du cœur à l'ouvrage. Merci Bernard, tu es formidable dans ces moments d'alias. Attention, regarde. Devant toi, où vas-tu? Tu vas te prendre la porte, Bernard. Merci José. Eh bien, tout est prêt, je crois. Alors, allons-y, musique! Si tu veux réussir ta vie, faut t'accrocher puis y croire. Wow, wow. Si t'as la chance à tes côtés, si t'es quelqu'un plein d'ambition, à toi d'imposer tes idées pour te construire un horizon. L'éclat t'en prendra quelques fois. Surtout ne t'en fais pas pour ça. Wow, wow. Toi que l'on n'a rien sans rien, même si c'est pas toujours la joie. Tant d'autres ont suivi ce chemin avant d'arriver à la gloire. Wow, wow. Crois-moi, ce n'est que pour ton bien. Si tu veux, tu peux t'en sortir. Ici, plus rien ne te retient. Wow, wow. Allez, bats-toi, oh, bats-toi, avec obstination. Allez, bats-toi, oh, bats-toi, c'est ta révolution. Allez, bats-toi, n'attends pas demain ou dans un mois. Allez, bats-toi. Ah. Voilà. Donc dans le rôle de José, nous avions Jérôme. Avec un accent changeant à chaque phrase. Oui, bon, le pire connu du personnage quand même. Et j'interprétais bien sûr le rôle de Bernard. Voilà, alors je... Petite expérience, hein. Désolé pour votre cerveau. Magnifique, hein. J'ai aimé. Les chansons étaient pas mal, hein. Alors, dans les chansons, nous avions tout d'abord Tom Carine. Il y avait un peu de tout, hein. Ah oui, il y avait, c'est un panaché. Mais toujours, toujours dans la motivation, hein. Dans le... Vraiment dans le... Alors nous avions Tom Carine avec Si je perds la boule en 99, qui était le générique du Master de pétanque. C'était le générique, ouais. Ouais. Ouais. Qu'on aimait beaucoup avec les cousins. Regarder ça quand on se levait en vacances ensemble. Donc ça, c'était un générique un peu sympa. Ensuite, nous avions bien sûr Sylvie Vartan. J'ai toujours un petit Sylvie Vartan qui traîne. Sylvie Vartan, elle a fait. Grande partie de reprise, hein. Ouais, et on en a déjà écouté du Sylvie Vartan, je crois, dans les précédentes émissions. Je crois, ouais. Celle-ci, ça faisait un peu mal quand même, hein, la... Ça faisait un peu mal. Ah, les paroles sont pas ouf, quoi. Non. Et ça fait le même effet que l'autre chanson où, tu sais, ça démarre, t'as la musique impeccable de Survivor, et puis... Et t'as la chanson, on démarre la voix, et là, c'est ça retombe un peu. Et tu dis, oh non. Ah non, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est... Voilà. Donc, faire quelque chose grâce à l'amour, on peut toujours faire quelque chose. Qui est quand même une belle phrase. Non, mais... Ouais, c'était un peu dans la motivation aussi, un petit peu la chanson, mais... On dirait presque du François Valéry, tu vois. Voilà, genre avec Mono Vivant, tu vois. Ça... C'est ce que j'allais dire, c'était un peu plus... Fifi, quoi. Pas. Mais c'est la chanson de motivation, mais à 10%, pas plus. Pas trop motivé, quand même. Pas trop. Pas trop. Ensuite, nous avions... donc ça, c'était mes deux choix. Les deux choix de Jérôme arrivaient ensuite. Donc on a eu une petite trouvaille belge. Avec Alberti Ben, du coup. Ouais, Louis Van... Des ligues, plafond et les nanas, le champion. Donc cette très belle hymne, ce bel hymne sur Albert. Et qui était Albert Sibben, qui est un vrai champion de boxe belge. Les chiffres qu'on a donnés sur les combats et tout, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment les vraies dates, c'est vraiment les vraies défaites. Il a vraiment perdu contre Lucien Rodriguez. Ouais. On aurait pu l'inventer, mais non. Il a vraiment combattu contre Mohamed Ali. Etc. Et tout ça, donc divertissement et un peu culture quand même. Si vous êtes arrivé à repasser ça dans une soirée, ouais. Ouais. Et enfin, en bouquet final, j'ai envie de dire, on a eu Philippe Buty avec Batois, 88. C'est ça. Vous risquez de le réentendre dans les futures Routes du Rhum, Philippe Buty. Philippe Buty. Il a un stock conséquent de chansons. Ouais, il y a un potentiel. Ouais, où il commence avec des allitérations en S alors qu'il a un cheveu sur la langue. C'est plutôt. Un peu en plus de nez, on va dire. Plutôt couillu. Ouais. Donc aussi une chanson où on sort, on est à fond. On a envie de courir dans les escaliers. Mais de se battre, quoi. Et de se battre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Et voilà, on voulait un peu faire un truc un peu varié pour présenter ces chansons-là, mais ça, c'est maintenant le tour de Frédéric avec tes choix. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors moi, j'ai choisi deux chansons des années 80, qui est ma période préférée. Et en plus, je trouve celle qui est le plus riche en chansons nulles, et en chansons géniales aussi, hein, attention. Et donc j'ai choisi deux chansons qui sont un petit peu sur le thème de quand tu sors en boîte et puis tu essaies de plaire à une fille ou deux approches en fait de comment aborder la question. Donc Ton avis, laquelle on va mettre en premier, Benjamin, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être la plus disco des deux. Disco, ouais, ok. Alors, c'est une chanson d'un chanteur que je connaissais pas du tout, qui est belge aussi. Alors la Belgique, pic pays bien représenté, qui s'appelle Ronnie Emmanuel. Et c'était un single qu'il avait sorti de 1980, qui s'appelle Disco Laser, qu'il avait dû enregistrer lui-même avec son petit Casio qu'on lui avait acheté pour Noël, certainement. Et voilà. À la fin, quand on l'écoute plein de fois, il y a la petite musique, c'est... Tu finis par l'aimer. Non, mais il y a des chansons nulles qui ont un capital sympathique, quand même. Il y en a où... je pense à... C'est que moi, si t'écoutes les paroles, il me fait de la peine, en fait, parce que c'est un gars qui se déclare à une fille. Et il fait un peu de la peine, quoi. Il est... Elle le regarde même pas. Elle va avec d'autres garçons, etc. Donc, à la fin, il est un peu sympathique. Ouais, parce qu'il y en a, je pense au Marie Laforêt de tout à l'heure, où on n'a pas trop de capital sympathie. Donc, on écoute Ronnie Emmanuel. Emmanuel. Disco Laser. Casio plus bon, tant pis. De temps en temps, on dirait qu'il casse une assiette. Viens avec moi. Et viens danser le disco. Tu es super et j'ai envie de chanter. J'ai besoin de toi, ouvre-moi tes bras. T'es une fille sincère, mon amour est pour toi. Prenons un café crème, partons tous ensemble danser toute la nuit au rythme rétro, mais tu t'en vas. Tu ne m'écoutes même pas. Les autres gars t'attirent vers eux, mais pas moi. Et ta jeunesse efface tous mes problèmes. Et tu m'emmènes rire et danser avec toi. Si pour ce moment, je sais pas comment enchaîner, si ce n'est que effectivement une petite tendresse. On écoute l'histoire un peu comme c'est assez hypnotique, hein. On finit par écouter tout ce qu'il raconte et tout. C'est... Alors, je pense qu'il fait les batteries avec les doigts. Il casse des assiettes, non? Aussi, mais tu sais, quand il fait les... Comme ça, là, les trucs de cavalcade, là, c'est un peu avec les doigts, non? J'ai l'impression. Il y a un sens du rythme parfois un peu discutable. Il n'est pas très calé à des moments, surtout au début. Et est sympathique, hein, comme gars. C'est pas mal, c'est pas mal. Il... Il a pas trop de succès avec les filles apparemment, mais... Est-ce qu'il a eu du succès Alors je pense que aussi quand tu sors avec une fille, si tu lui dis que tu veux l'épouser tout de suite... Oui, j'ai pensé à ça. Ah, il va vite. Ouais. C'est pas une bonne idée. Ouais. Est-ce qu'il a fait d'autres trucs Ce que j'ai vu, c'est que sur le disque, c'est la face B, c'est... En fait, il y a... sur la A, c'est cette chanson, et sur le B, c'est juste la version, la musique. Donc, en fait, tu pourrais te faire un petit karaoké de ça, et si tu voulais, si tu trouves le 45 tours, tu pourras te le chanter. Bah, c'est une idée, hein. Si on se fait un karaoké un jour, Fred, faudrait qu'on le sorte. J'en ai d'autres, des chansons nulles comme ça, avec juste l'instrumental aussi, où du coup, c'est le même principe, t'as la face A avec la chanson, et la face B, l'instrumental. Et du coup, c'est... Oui. C'est rigolo, tu peux parler les paroles, quoi. C'est là que tu te rends compte si c'est les paroles ou la musique qui est nulle. Mais surtout, très souvent, tu te rends compte que les deux sont nuls. C'est qu'ils avaient... Mais c'est surtout ils avaient pas rien à mettre en face B parce qu'ils avaient que ça comme je pense, ça quoi. Peut-être, hein. Je sais pas parce que en fait ce chanteur je le connaissais pas. Je connais pas toute sa discographie. Donc j'ai pas eu le plaisir d'écouter plus de trucs. Il faut regarder s'il a fait d'autres choses, c'est peut-être un nouveau. Alors, un nouveau je trouve, j'ai vu la photo du enfin la couverture du 45 tours et il a tout à fait la tête qui va avec la chanson. C'est roux, tache de rousseur, maigre. Sur le disque, il est avec des espèces de patins roulettes, 4 roues, rétro, etc. Donc, c'est... c'est rigolo. Mais il faudra qu'on regarde s'il a fait d'autres choses, parce qu'il y a un petit potentiel François Junot. Oui. Je pense. Ouais. Alors, il chante pas très juste, hein, aussi. Mais François Junot non plus, hein. Parce que ça fait un peu mal aux oreilles, quand même. Oui, mais effectivement, Capitale Sympathie. Je l'admets. Ouais. Capitale Sympathie. Est-ce que tu as une deuxième petite merveille à nous faire écouter? Alors, j'ai une deuxième chanson. J'ai trouvé que c'était aussi, ça allait pas mal sur le thème de la drague, mais complètement à l'opposé, quoi. C'est le gars qui se réveille un jour et il dit « Je suis James Brown, mais je chante en français. » Oh là. Donc il a écrit une chanson, il a dit « Je vais faire une chanson comme James Brown, sexe, machin, etc. » Voilà, ce style, musique un peu comme ça, avec des cris et tout. Et il appelle sa chanson, elle s'appelle « Face B », parce qu'elle était sur la face B d'un... 45 tours en fait, c'était la face B, donc il l'a appelé face B. Il y a du niveau. Ok, ça met l'eau à la bouche. par contre, j'ai pas compris le. Parce que sur la pochette du disque, ça a l'air d'être Panchion, l'artiste, mais. Panchion, il s'appelle Philippe Panchion. Philippe Panchion. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs chansons, mais qui trouve pas de biographie sur lui. Ouais. Je sais pas si... Il y a une chanson qui s'appelle Mise à mort. À mort en espagnol, tu sais. Mise à mort, jeu de mots. C'est son truc, le jeu de mots, apparemment. Donc il y a une autre chanson qui s'appelle Reviens plus près. Et j'ai pas encore écouté. Bon, il est fou aussi. Attention. Il y a une autre chanson qui s'appelle Férié, c'est fou. Aussi. Il y a un sens du titre en tout cas. C'est clair. Il y a une recherche dans le titre, hein, ça. À chaque fois. Ouais. J'espère qu'il y a une recherche dans la chanson aussi. La chanson a pas trop de paroles, alors vous attendez pas à, comme René Emmanuel qui raconte toute sa vie. C'est vraiment le minimum de paroles répétées jusqu'à satiété. Ok, bon bah on écoute ça. Donc Philippe Panchion avec Face B. Pourquoi? Hey! Tu frémis sous mes doigts. Ah, il fallait vraiment l'écouter jusqu'au bout. Hein. Parce que la fin était pas mal en fait. Il y avait un petit effet. Ouais, vachement expérimental. T'as vu, t'as du scratch, t'as l'espèce de son. Effectivement, il s'est fait un trip funk. Bon. C'est 1987 cette chanson. 87, ok. Okay. Et effectivement, il se fait un trip James Brown avec des paroles. Est-ce qu'on vous avait entendu la même chose que moi? Je te perfore l'enfort, c'est ça qu'il a dit. Je perfore l'enfort. Pardon. Ouais, du gros texte. C'est pas très bien. Mais c'est artistique. Et on est dans la recherche artistique. Hein. Oui, non, il cherche, il l'a pas trouvé encore. Mais il y a un moment où on n'entend pas très bien. Paroles. Enfin, moi, j'ai pas distingué exactement tout ce qu'il disait, mais je crois qu'à un moment, il dit c'est joli, je sais pas. Donc... Ouais, j'ai pas compris ce qu'il disait non plus. Et ce qui est bien, c'est que la plupart des paroles, il les répète 15 fois, donc on a le temps de. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est genre, je t'ai même pas regardé, je perfore l'enfant. En fait. Ouais, c'est l'opposé de l'autre. Ah, tu rugis, c'est bon. C'est l'opposé de. De notre ami Ronnie Emmanuel. Finalement, Ronnie Emmanuel, c'était pas si mal. Hein. Mais non, et puis il est plus sympathique que le deuxième. Hein. Moi, je préfère. Hein. Mais le deuxième est meilleur dans le titre. Oui, ouais, ça, en fait, ils ont leur spécialité. C'est bon, ça. Alors que Disco Laser, en fait, Disco Laser, je sais pas pourquoi il l'a appelé Disco Laser, il en parle jamais, en c'est fait. C'est pas trop disco, en plus, je trouve, d'ailleurs. Non, et puis c'est musique. Pas très laser non plus. C'est pas trop laser non plus. Par contre, cette musique-là, je sais pas pourquoi, moi, ça m'a fait penser, je la verrais bien en musique, en générique de fond d'une vieille comédie française des années 80 avec genre Jean-Claude Duss et Gérard Lanvin ou des trucs comme ça, tu vois, dans l'idée. Ouais, ouais, ça faisait vraiment la rythmique, tu sais, des vieux trucs, des vieux comédies années 80 avec des duos, tout ça. Ou en intro, tu sais, un film un peu polar, tu sais, où il y aurait des plans sur ce truc-là, des plans sur la ville avec des voitures qui passent. J'aurais pas dit polar, en plus du comédie, quoi. Bon, non, moi, aussi un peu le genre L'Arme Fatale ou un truc comme ça. Mais français. Ouais, ouais, mais français. Je sentais qu'il y avait quand même le vrai son des années 80, tu l'entends bien quand même, le son des années 80. Avec Robert Hossein et ouais. Enfin, merci beaucoup Frédéric pour cette petite bulle séduction, on va dire. C'est ça. Et nous sommes à une heure d'émission, donc c'est à peu près parfait. Je pense qu'on, pour une reprise, pour la rentrée, c'est très bien. On va vous saluer. Je vais lancer le générique. Frédéric, Jérôme, est-ce que vous avez un petit mot de fin d'émission? Promis, la prochaine fois, on travaille nos accents. La prochaine fois, on chantera nous-mêmes, peut-être. Une comédie musicale. On fera karaoké. On peut faire un disque de la route des chansons nulles. Oui, on peut faire une compilation qu'on sortira nous-mêmes. Et Une soirée thématique. Pour ma part, on va essayer d'être un peu régulier. Donc normalement, avant, il y a le week-end Route du Rhum, on va tous jouer au jeu fin octobre. Donc normalement, début octobre, je vais essayer de vous faire un épisode avec des jeux pour mettre l'eau à la bouche sur des jeux de société. Sinon, il y aura des épisodes jeux de rôle cette année. Je vous en ai pas parlé, ça, j'ai un peu monté des trucs pour faire parler de jeux de rôle. Sinon, vous avez... jeux de mots aussi. Et jeux de mots, ouais, on y travaille, mais ça prend plein de temps à préparer. Sinon, les deux derniers épisodes de la route des jeux, c'est spécial abeille, apiculture et un spécial jeu qu'on a fait à la fin. Et vous retrouvez aussi, oubliez pas, Vandamme Express, tous les 15 jours. Où on regarde, enfin je regarde tous les Jean-Claude Vandamme, oui, il y a des chansons nulles dedans aussi. Et le dernier épisode est sur Blackwater, et en exclusivité, celui de lundi qui sort est sur Universal Soldier 2. Et spoiler, c'est pas bien. Voilà. Je vous salue. Des films nuls. Ouais. Alors, il y en a des biens des fois de Van Damme. Il y en a à peu près 1 sur 5 qui est vraiment pas mal. Bonne rentrée à tous. Gros bisous, à bientôt. Salut. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne soirée. Au revoir. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.